Est-ce qu'il vous arrive d'enseigner ? Très rarement et à titre privé. Quelques-uns de mes amis ont subi mon petit enseignement dans des durées assez courtes. Et je leur apprends ce que je sais faire. Vis-à-vis des technologies, quelle est l'attitude d'Éliane Radig ? Bien, malheureusement, je ne peux pas l'oublier parce que l'arsenal auquel je m'adresse est assez lourd techniquement à supporter. Je dis malheureusement parce que ça fait partie des choses dont je me passerais bien. J'aimerais pouvoir faire ce que je fais avec un arsenal technique beaucoup moins encombrant, parce que l'arsenal technique où à chaque instant il y a un petit quelque chose qui ne va pas, où il faut passer une demi-heure d'enquête pour savoir où ça ne va pas, pour s'apercevoir très souvent en fin de compte que c'est tout simplement un potentiomètre que j'ai oublié d'ouvrir, ça c'est assez classique, mais quand ce n'est que cela, c'est pas grave. Ou bien, si c'est plus grave, de devoir trouver d'autres solutions, très souvent à la Dubout, de dire, bon, très bien, ici, il y a une voie qui ne marche pas, eh bien, on va essayer de passer ça sur un autre canal. Tout ceci m'ennuie prodigieusement. La lourdeur technique est le plus grave. Vous me demandiez tout à l'heure si c'est difficile d'être compositeur, d'être compositeur... Vous avez répondu que c'était déjà assez difficile d'être homme. Mais ce qu'il y a de plus difficile dans mon travail, je crois que c'est ça, c'est la technique.